dans les épreuves. De mon regard se lisent les blessures, les chagrins à venir. Pour ce monde, je n'aurai d'espoir. Pour ces peuples, je ne nourrirai aucune estime. Pour celles et ceux